Ne cherchez plus, c'est 90.7. Bonsoir à tous et à toutes, c'est la 322e édition de la saga des Fab Four. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je voudrais d'abord dire en préambule que cette émission est dédiée à la maman de Jean-Philippe qui aurait eu 62 ans, si je me souviens bien, il y a quelques jours. Une grosse pensée pour cette dame-là que je n'ai pas connue, mais j'avais promis à Jean-Philippe d'en parler à la radio. Voilà, c'est fait. Et tiens le coup, Jean-Philippe, on pense à toi. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais pour la saga. L'album de la semaine, justement, ça concerne Jean-Philippe et beaucoup d'autres. C'est All Things Must Pass de George Harrison en 1970. On entendra What Is Life, My Sweet Lord, évidemment, Isn't It a Pity, on ne pouvait pas manquer ça. Wawa, parce que c'est un des must de cet album-là. Il y aura également Waiting on You All et All Things Must Pass pour Ringo Starr, ce sera Early 1970, en 1971, curieusement, bah oui, le temps que ça sorte, c'est sorti un an après, c'est la phase B du single It Don't Come Easy, sorti en 71. Pour Lennon, ce sera Look at Me, d'anthologie, de l'anthologie 1 à Scott, en sortie en 98. La chanson date de 1970, elle est tirée évidemment de l'album Plastic Ono Band. Mais c'est une version légèrement différente que vous entendrez. Pour McCartney, ce sera Junk, en 1970 aussi, sur l'album qui s'appelle McCartney. Pour les Beatles, ce sera Baby It's You, sorti en 1963 sur l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. On a l'habitude d'ailleurs de résumer en disant l'album Please Please Me. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, pour le reste, vous verrez bien, il y aura des chanteurs invités, ce sera un groupe. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pour le reste, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Vous cherchez la petite note épinglée tout en haut et c'est là qu'on commente. On se retrouve également sur macaclub.com dans le groupe La Saga des Fab Four ou sur Twitter si vous le souhaitez avec le hashtag Saga Fab Four. Voilà, il n'y a rien d'autre d'intéressant à la télé. Il n'y a rien d'autre de mieux à faire que d'écouter La Saga des Fab Four de 20h à 22h chaque mercredi. Vous êtes prêts ? Alors, nous démarrons maintenant avec ce premier titre. Que serait la vie sans ton amour? C'est George Harrison qui le dit dans cette superbe chanson qui a été reprise entre autres par la très belle Olivia Newton-John. Là, c'est la version forcément de George Harrison sur l'album All Things Must Pass. Bonne soirée à vous. I can't say. your charm, beep beep. He's got no cows, but he's got a whole lot of sheep. A brand new wife and a family. And when he comes to town, I wonder if he'll play with me. Laying in bed, watching TV, cocky. With his mama by his side, she's Japanese. They screamed and they cried, now they're free. And when he comes to town, I know he's gonna play with me. He's a long-haired, cross-legged guitar picker. His long-legged lady in the garden picking daisies for his soup. A 40-acre house he doesn't see, 'cause he's always in town playing for you with me. À l'instant, Ringo Starr sur RIG avec une chanson très simple et très mignonne. Il dit si lui il vient dans mon coin, est-ce qu'il s'il vient en ville, est-ce qu'il va venir jouer avec moi? Là, il pense à Paul McCartney parce que Paul McCartney, au début, il a accusé tout le monde pour essayer de casser l'entité Beatles. Donc forcément, il se demandait s'il était toujours ami avec Paul. Encore que Ringo Starr, il est l'ami de tout le monde. Ensuite, il disait lui il est occupé à bêcher dans son jardin, mais je sais que s'il vient en ville, il viendra jouer avec moi. Il parle de John. Après, il dit il est dans sa cuisine avec sa maman, ceci, cela. Mais s'il vient, il viendra jouer avec moi. Donc là, il parle de John. Et puis, il dit mais moi, quand je vais en ville, je veux les voir tous les trois. C'est ça. C'était très, très sympa. Une chanson très, très sympa qui va très bien à Ringo Starr. C'était en 1971 sur un single, le single qui est la face B de It Don't Come Easy. Et c'est sur RIG dans la saga des Fab Four. On a parlé de John. Le voici avec Look At Me sur RIG. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. Oh, my love. Oh, my love. Here I am. What am I supposed to do? What am I supposed to do? Here I am. What can I do for you? What can I do for you? Look at me. Oh, please look at me, my love. Here I am. nobody knows but me. Who am I? Nobody else can see. Just you and me. Who are we? Feutré dans l'acoustique, si vous le voulez bien, avec Monsieur Paul McCartney en 1970 et Junk. Handlebars, bicycles for two, broken hearted to believe. Parachute, Tommy Blues, sleeping bags for two. Sentimental jamboree. Bye-bye, says the sign in the shop window. Why, says the joke in the yard. McCartney à l'instant. Avant, il y a eu John Lennon, avant Ringo Starr et avant George Harrison. On fait le mix des quatre et on va tomber dans quelques secondes sur les Beatles. Si on parle des Beatles, on va parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Elle vous permet de tout savoir sur John, Paul, Ringo, George 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Et vous pouvez également savoir les tournées de John. Les tournées de John, ça va être difficile. Les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les artistes qui gravitent autour de nos quatre amis et également les animateurs radio qui font des émissions comme mon ami Michael Honorato, par exemple dans le New Jersey. Vous connaissez son heure d'émission, ce qu'il a dans l'émission grâce à Lovely Rita. Vous faites Beatles Magazine UK.com et vous savez tout. Merci Lovely Rita et merci le Beatles Magazine. Voici les Beatles justement, Baby It's You sur RIG. Auparavant, j'avais oublié, voici la version originale. Sha-la-la-la-la. It's not the way you smile that touch my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Whoa. Many, many nights roll by. What can I do? I can't help myself. Cause baby, it's you. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha-la-la-la-la. They say you've never, never, never been true. She. Whoa, doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? I don't want nobody, nobody. Cause baby, Baby, it's you. Baby, it's you. What can I do? Can't help myself. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. Shirelles à l'instant, j'avais oublié de le noter sur la programmation, j'y ai pensé simplement en mettant les chansons dans le logiciel. Voici maintenant les Beatles et leur version de 63. It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Baby, it's you. Progressons seulement de 7 ans. Qu'est-ce que c'est 7 ans dans une vie? Et nous arrivons en 1970, juste avant les fêtes de fin d'année. 1970, All Things Must Pass casse la baraque avec en figure de proue My Sweet Lord, qu'on va écouter dans quelques instants. Un single percutant qui a fait le tour du monde et s'installe illico en tête des charts anglais et américains. Le succès de Beetle George dépasse alors largement celui de ses camarades de jeu, Paul et John. Juste revanche, en regard du peu de place que ces derniers ne daignaient lui accorder sur chaque disque des Beatles. Au fil des ans, son talent propre ne craignait plus la comparaison avec le leur. Au point que sur la ligne d'arrivée que constituait Abbey Road, sa composition Something, son premier single avec le groupe, avait décroché un très mérité numéro 1. Tandis que Here Comes the Sun allait devenir un incontournable standard. Deux chansons qui par ailleurs allaient faire l'objet de multiples reprises et par les plus grands. À la force du poignet, George Harrison a gagné tardivement une stature d'auteur-compositeur se mesurant pleinement à celle du tandem Lennon-McCartney. On apprendra avec le temps que nombre des chansons de cet album All Things Must Pass avaient germé durant la période Beatles. Le groupe les avait parfois enregistrées et finalement écartées de leur choix. On trouve une version de All Things Must Pass justement sur le volume 3 de l'anthologie. Harrison est à ce moment-là compositeur très prolifique, au point qu'il offre volontiers ses chansons à d'autres artistes comme Billy Preston, Jackie Lomax ou Ronnie Spector. Il est alors, selon ses propres termes, un constipé qui se relâche, d'où l'ampleur de ce triple album que jalousera même un Lennon très agacé par son succès. Et oui, mais une ou deux chansons par album, quand on commence à vraiment être doué, c'est trop peu, c'est ce que je dis depuis très très longtemps. Pour que les Beatles restent ensemble, il aurait fallu qu'ils sortent des triples albums constamment, ce qui, d'un point de vue sous pour les fidèles, était impossible. Et pourtant, en 70, vous allez acheter l'album Let It Be, vous allez acheter l'album de George Harrison, les deux albums de Ringo Starr, celui de Paul McCartney et celui de John Lennon. Ça va vous faire casser la tirelire beaucoup plus encore, mais là, on sera content. My Sweet Lord, c'est sur RIG et c'est dans la saga des Fab Four. Continuez à nous rejoindre, Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, Maca Club, toujours pareil, La Saga des Fab Four, ou Twitter, hashtag Saga Fab Four. I really wanna see you.

just seen her face. I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. 1965. Oui, belle année. Sur l'album Help, I've Just Seen a Face, c'était une mélodie que Paul jouait au piano depuis très longtemps. Oui, ça paraît bizarre. Il l'a jouée lors des réunions de famille à Liverpool et sa tante Jean l'aimait bien. Elle l'aimait tellement bien d'ailleurs qu'il l'avait rebaptisé Humpty Jean's Theme, donc le thème de la tante Jean. L'orchestre de George Martin en enregistra une version instrumentale sous ce titre. La tante Jean était la plus jeune sœur de Jim, le père de Paul, et apparut plus tard dans les paroles de la chanson Let Them In, enregistrée par les Wings, le groupe post-Beatles de Paul. Et même, oui, oui, largement. Voilà, c'est la chanson également qui précède Yesterday sur l'album Help, sorti donc en 1965. Et si nous passions en 1973? En 1973, John Lennon compose une chanson pour Ringo. La chanson s'appelle I'm the greatest, je suis le meilleur, je suis le plus grand. Et il dit gentiment, il dit, si c'est moi qui la chante, ça paraît avec un ego extraordinaire, ça paraît voilà, trop nombriliste, etc. Par contre, si c'est Ringo qui la chante, ça, c'est sympa. On va écouter les deux versions, la version que John a proposée à Ringo, et puis après la version que Ringo en a faite. It's the intro that we're worst on now. A bit slow, isn't it? Yeah. Yeah, do four on the tom-toms or something. About four. Okay, should we try it? Okay, boys, this is it. One, two, three, four. Allez, on repart. 1, 2, 3, 4. Et là maintenant, voici la version de Ringo Starr sur l'album. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mother told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. À John Lennon, donc il reprenait le personnage de Billy Shears. Et d'ailleurs, il faut savoir que le son du public que vous entendez derrière lui, c'est le même son qui a été utilisé pour Sgt Pepper. Il a réutilisé la bande sonore qui devait être dans les archives de EMI quelque part. Voilà, nous revenons, si vous le voulez bien, à l'album de la semaine. C'est toujours la saga des Fab Four numéro 322. Je suis Thierry Gallet. Des fois que vous n'ayez pas repéré la voix, c'est moi. Je vous accompagne jusqu'à 22h. Et l'album de la semaine, c'est All Things Must Pass de George Harrison, sorti en 1970. Voici le morceau l'un des morceaux les plus fantastiques de cet album-là. Il y en a plein. Il faudrait vraiment consacrer carrément une double émission à cet album-là. Voici Isn't It a Pity sur RIG. Thinking anymore. forgetting to give back. Isn't it a pity? Some things take so long. But how do I explain? Not too many people see we're all the same. And because of all the tears your eyes can hold to see, the beauty that's around us. Isn't it a pity? George Harrison écrit à propos de cette chanson-là, Isn't It a Pity? C'est à propos de, du moment où une relation devient, arrive à son point le plus bas. Plutôt que de faire ce que font les autres, par exemple casser les dents aux autres, j'ai écrit une chanson. C'était une manière pour moi de me rendre compte que si j'avais l'impression que quelqu'un me laissait tomber, il y avait de grandes chances que je laissais tomber quelqu'un d'autre à mon tour. Nous avons tous tendance à briser le cœur les uns des autres, à prendre plutôt qu'à donner. Est-ce que ça ne fait pas pitié? Voilà ce que dit George Harrison à propos de sa chanson. Sage parole et très très belle chanson, vous êtes et nous sommes tous d'accord, de George Harrison. One. Le son au maximum, What You Got sur RIG, c'est John Lennon en 1974. That's what a father said to his young son.

La magie McCartney dans ses deux titres. Tout d'abord, Put It There, composé en 1989, enfin plutôt sorti en 1989 sur l'album Flowers in the Dirt. Il parle de son père, tout simplement, qui lui disait « Pose ça là si tu trouves que ça pèse une tonne ». Et puis voilà, son père apparemment était quelqu'un de très gentil et c'est une chanson dépouillée, gentille comme tout, dont les arrangements ont été faits par George Martin, paraît-il. Et une très très belle chanson. Et puis à l'instant, Return to Paperland, composé en 1987. Et puis, ben, ça reste dans... C'est resté dans les tiroirs. Mais grâce à la saga des Fab Four, chut, il faut pas le dire, vous savez tout. Voici une version de It's All Too Much. Ça va faire plaisir à Jean-Philippe, celle-ci. George Harrison sur RG. Les Beatles, forcément. Les Beatles. C'est la version du film, carrément. L'album de la semaine, c'est l'album All Things Must Pass, avec cette chanson puissante. Il ne parle pas d'un chien, il parle de la pédale wah-wah. Ceux qui sont guitaristes savent de quoi on parle. Montez le son vraiment, vraiment à fond, parce que là, le mur de son de Phil Spector est absolument génial. Voici wah-wah sur RG. George Harrison au meilleur de sa forme, et moi je vous assure que dans le studio à RG, je vais mettre le son à fond. Encore une fois, unanimité sur Facebook. Rook qui marque, c'est une tuerie ce titre. Jean-Philippe qui marque, grandiose, magnifique. Wawa, une perle rare cette chanson. Oui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans 3 ans, ça fera déjà 50 ans. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est absolument fantastique. Fantastique, j'adore cette chanson. Et je vous propose de retrouver la cover. Et là, c'est exceptionnel parce que la cover, eh bien, vous savez, bon, la cover, je vous explique pour ceux qui prendraient l'écoute pour la première fois. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, ou par les Beatles, qui est reprise par quelqu'un que vous connaissez ou pas. Et même si ce sont les Beatles eux-mêmes qui ont repris une chanson d'un de leurs pères, d'un de leurs ancêtres, genre par exemple Chuck Berry ou truc comme ça. Et bien là, c'est pas vraiment une cover, c'est une préparation. C'est-à-dire, il l'avait chanté, on en a parlé en début d'émission, il l'avait chanté, il l'avait préparé pendant les Beatles. Et puis John et Paul ont dû dire, ouais c'est sympa, mais on la gardera pour une autre fois. Voici la version de All Things Must Pass, chantée avec les Beatles par George Harrison. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. On my way, face another day. Our darkness only stays a nighttime. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not a be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. All things must pass away. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Come on, come on. Come on and set your joy. Come on and set your joy. Come on and take it easy. Parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Superbe chanson de John Lennon à l'instant sur RG. Tout d'abord, le titre d'origine, c'était Command Command. Et c'est devenu Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Tout le monde a quelque chose à cacher sauf mon singe et moi. Qui jouait le rôle du singe, à votre avis? Bon, et la chanson suivante, c'est Sexy Sadie. On donne l'impression qu'il parle d'une femme. En fait, il parlait du gourou Maharishi, machin, bidule, qu'ils étaient allés voir. Et puis que John Lennon, finalement, était revenu en se disant, il a pas l'air d'être si spirituel que ça, dans le sens large du terme. Il a l'air d'être plutôt intéressé par les femmes, et il en a fait une grosse, grosse critique dans cette chanson-là, qui est une belle chanson. Et comme le dit si bien Nathalie, qui est une grande fan de John Lennon, quelle voix bon sang sur ces deux morceaux, c'est vraiment très, très, très bien. Allez, la chanson suivante, eh bien, sachez que à la saga des Fab Four, nous sommes toujours à la pointe de ce qui se fait quand on parle de John, Paul, Ringo et George. Le 20 janvier, Ringo Starr a sorti une chanson juste qui parle de paix, parce que c'était le jour où Trump arrivait aux USA. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Je ne me prononcerai pas, mais je vous laisse écouter cette belle chanson. Ça s'appelle « Now the time has come » et c'est une chanson chorale, donc avec beaucoup d'invités. Ringo Starr, Ringo Starr. We've all heard that only love conquers hate. Will we see the light before it's too late? Skies are getting dark, tears of sorrow falling. Listen to the voice and you will hear it calling. Now the time has come. Time has come for everyone to lay down all your arms. Let the light of love shine on and on. You have to give a little, or you can give a lot. Let them gone. Let's open up our hearts, may all the violence cease. Let's all come together on this day of peace. If we are one for all and all for one, then there is only love when it's all said and done. Within us all, children lay our way. Life of Peace and Love, c'est la fin de la chanson, et bah, c'est tout à fait du Ringo ça. On revient à l'album de la semaine, voici Waiting on Your Hall sur RIG. RIG c'est 90.7 pour la FM, c'est www.rigfm.fr pour le reste du monde, et c'est la saga des Fab Four. Don't need a love man. Open up your heart, you know what I mean. The people who did so long, that is the way for you to get clean. By chanting the names of the Lord, and you'll be free. It's the Lord is the wind of your heart, the way you can see. Chanting the names of the Lord, and you'll be free. The Lord is the wind of your heart, the way you can see. don't need no church hat. Open up your heart. Know what I mean? You can't dance alone. Thinking and we're all green. Well, the Pope of 51% of general orders. The stock exchanges, the only thing is followed by the quotas. The loud is a wind on your heart, the wind in the sea. The chant is a dance of their own. Et maintenant, la plus belle chanson de John Lennon au sujet des femmes. C'est en 1980 sur l'album Double Fantasy et c'est tout simplement Woman. Pour l'autre moitié du ciel, celle qui m'attend peut-être. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Allez, un petit cadeau pour vous les amis. In her head.

À un moment donné, John pensait qu'il parlait ou de Yoko ou alors, on ne sait pas trop quoi. Et là, vous entendez, alors je l'ai couvert avec ma voix, c'est dommage, vous entendez John dire « Je voudrais vous remercier au nom des filles et de moi-même et on espère qu'on a réussi à passer l'audition en 1969 sur le toit d'Apple. » Là, vous vous rendez compte? Alors que oui, il dirigeait le monde, j'oserais dire, à cette époque-là, les Beatles. Allez, voici « All Things Must Pass ». Mais la version de George, puisqu'on avait écouté tout à l'heure, la version des Beatles, la version sur l'album du même nom, All Things Must Pass, et c'est sur RIG. Serrez, serrez tendrement. Slow time. My love's up, but it's left you with faire plaisir à Jean-Philippe Fabfort, on va écouter presque en entier un instrumental de cet album-là que je n'ai jamais passé dans la saga des Fabfort. C'est furieusement rock'n'roll. C'était une jam session entre George Harrison, Eric Clapton et pas mal d'autres. Vite pour pouvoir interrompre ce morceau, il fallait une voix vraiment sexy. Je l'ai trouvé, la voix sexy. Pascal, je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour vous dire que j'écoute la saga depuis Bordeaux. Bonne soirée avec Thierry. We'll be right back. myself a place. There I will stay for a year and a day, until the cares of my life blow away. And I will dance to a run simple tune with the queen of my heart. Parce que je ne saurais résister à la très belle Julie, voici And I Love Her One More Time. I give her all my love, that's all I do. And if you saw et lancer l'émission d'Eric sans une bonne chanson bien rythmée. Voici un rock à la Elvis, signé Ringo Starr. Thank you. Don't be cruel, guys. You know I can be found sitting home all alone. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel. For me, you mad? For something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true.